donc. Est-ce que ça vous plaît? Merci beaucoup. Vous êtes vraiment, vraiment gentil. Une super bonne énergie ce soir. Je suis content. Cette pièce s'intitulait Junga Wangra. C'est une composition de notre cher ami Christian au DJ Redo. Donc, je pense que ça vaut la peine que je vous présente les musiciens tout de suite. Là. Donc, Christian au DJ Redo. Ouais! Ensuite de ça, Sylvain No au violon. Tommy Brière au djembé. Mon cousin Jonathan Hamel. En passant, là, c'est une histoire de famille parce qu'il y a Charles Hamel ici. C'est pas dans ma famille, mais c'est tout proche. C'est super proche. Puis ensuite de ça, il y a, en tout cas, les noms le moindre, Pascal Pouliot. Et moi-même, Steve Hamel.